Ainsi que le baron de Gordes le pensait, après l'apparition de ces inexplicables prodiges, après la tentative de Nic Deck qui avait si mal tourné, la terreur fut au comble, et ni pour or ni pour argent, personne n'eût voulu s'approcher, même à de bons milles, de ce château des Carpates, évidemment hanté par des êtres surnaturels. Rodolphe de Gortz devait donc se croire à l'abri de toute curiosité importune, lorsque Franck de Télek arriva au village de Wertz. Tandis qu'il interrogeait soit Jonas, soit Maître Kolz et les autres, sa présence à l'auberge du roi Mathias fut tout de suite signalée par le fil d'une niade. La haine du baron de Gortz pour le jeune comte se ralluma avec le souvenir des événements qui s'étaient passés à Naples. Et non seulement Franck de Télek était dans ce village, à quelques milles du bourg, mais voilà que devant les notables, il raillait leurs absurdes superstitions, il démolissait cette réputation fantastique qui protégeait le château des Carpates. Il s'engageait même à prévenir les autorités de Carlsbourg, afin que la police vienne mettre à néant toutes ces légendes. Aussi, le baron de Gortz résolut-il d'attirer Franck de Télek dans le bourg, et l'on sait par quels divers moyens il y était parvenu. La voix de la Stila, envoyée à l'auberge du roi Mathias par l'appareil téléphonique, avait provoqué le jeune comte à se détourner de sa route pour s'approcher du château. L'apparition de la cantatrice sur le terre-plein du bastion lui avait donné l'irrésistible désir d'y pénétrer. Une lumière, montrée à une des fenêtres du donjon, l'avait guidé vers la poterne qui était ouverte pour lui donner passage. Au fond de cette crypte, éclairée électriquement, de laquelle il avait encore entendu cette voix si pénétrante entre les murs de cette cellule où des aliments lui étaient apportés alors qu'il dormait d'un sommeil léthargique dans cette prison enfouie sous les profondeurs du bourg et dont la porte s'était refermée sur lui, Franck de Télek était au pouvoir du baron de Gortz et le baron de Gortz comptait bien qu'il n'en pourrait jamais sortir.